Mamá Pola canta, baila por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. Mamá Pola canta, baila por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. ¿Sabes? ¿Sabes? Más fuerte, más fuerte. Polo gitano y tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Prepáralo, ven. Écris le cœur avec ton enseigne, tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Bienvenidas, ongi etorri a Ulala Confine. Con la brasse. Voilà, la sección Vientos del City Watch. Seguimos otra semana confitada en nuestras casas, así que seguiremos con estos artistas, tantos confitados como nosotros, y que nos alegran un poco la vida musicalmente. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les idées. identité vivant sur son territoire, une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire se condamnaient elles-mêmes. Elles trahissaient les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. Si et puis accent over tourner que ville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi, Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Et tu ne vas pas être un guerrier en un an. Con el libro, con el cuchillo. Reza esperanza, reza su por ahí vamos a empezar esta semana con el CD Guacho que nos ha hecho, que nos encanta aquí, que nos ha hecho la trabajadora a... versión casera de cada uno en su casa con invitadas, y ahí va Siri Guacho, la trabajadora, no hace falta traducción. C'est Siri Guacho en direct du confinement. On a ramené du renfort, quelques amis pour dédicacer ça à la première ligne, à toutes les invisibles, à toutes nos guerrières qui bataillent. Aguante, familia. La trabajadora, trabajadora, hombre. La trabajadora, trabajadora, hombre. Mamita, aquiplánica, dame leche volcánica. Arriba de la hoguera, directo al infierno. Queda el pensamiento, que pase el tiempo. Insurgente y callejera. Pa' mi madre, mi tía y mi abuela. Ramita de la onda, hierbabuena. Quita piel de la brutal, terminó la pena. Décor disponible pour les tâches trop pénibles. Des récits qu'on prohibe, des histoires invisibles. Les cuisines, les sous-sols, les portes de service. Sans bruit, la nuit, le bureau de la directrice. Les couloirs du métro, le local, la poubelle. Des SK en peignoir dans sa chambre d'hôtel. Les ordres, les règles, obligation de sourire. Silence et endurance, y'a des familles à nourrir. La trabajadora, trabajadora. Rosario, prende la vela, camina y se quema el barrio. Quítate lo malo que combinas con todo el abecedario. Mano de mujer obrera, va barriendo su dolor, su cadera. Cuando quieras y cuando quieras, quita y levanta, terminó la pega. No mera africana, en bas de l'échelle. Équilibre naturel, logique criminelle. Les regards de travers, les salaires de misère. Les heures supplémentaires et les chefs autoritaires. Mon salam aux guerrières en grève qui bataille. Fierté et dignité pour faire plier les canailles. Africana, hermana, morena, l'ouvrière. Mon texte, ma voix à jamais solidaire. La trabajadora, trabajadora, hombre. Ahí el CD Huacho Confinado desde el norte de Francia, con que acaban de sacar un disco que sí, sí, lo podéis encontrar en muchas partes. Se llama Elegante. A buscarlo. Y pues ya, seguimos como que no con HK, amigo sincero desde los principios de estos grupos. HK, amigo del Saidu, cantante del City Huacho, el que canta en francés. Y HK, pues, formaban antes el grupo MAP, el Ministère des Affaires Populaires. Y vamos con HK, Hakim, La Fin du Mois, Début du Nous. Juega con las palabras de fin de mes, fin de mois, fin du mois. Y moi, que es también yo. El fin del lío, pero el principio de nosotros. Ça commence à l'école, au jeu du premier de la classe. Quand notre candeur s'efface, que l'enfance s'envole. De concours en examen, nos vies sont en compétition. Ou quand se tendre la main devient l'exception. C'est ainsi que l'on vit dans des châteaux de l'ego. Ainsi que l'on en vit nos alter égaux. Dans ce grand jeu du moi-je, tous les cinq ans on engage l'élu providentiel tombé du ciel. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous allons changer tout ça, changer tout. Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent, ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent, puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection, parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation. Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite. Ne soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent. Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé, à la solde des vaniteux se vantant d'être nos messies. Est-ce donc ça la démocratie? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr? Quand on réprime dans la violence tous ceux qui crient à l'imposture, serions-nous tel un troupeau aveugle et discipliné, prêt à suivre même un loup s'il promet qu'il est un berger? Des gens qui disent qu'ils savent, qui voudraient tellement qu'on les suive, parce qu'il faut bien quelqu'un nous sauve. Pauvres sauvages que nous sommes, pensent-ils? Faisons leur savoir que ces temps-là sont révolus. Des millions derrière un seul, ce système, nous n'en voulons plus. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous allons changer tout ça, changer tout. Attention, l'abus du jeu est dangereux pour la santé, pouvant provoquer des crises d'égo surdimensionnées, disons-le sans émoi. Voici venue la fin du mois, consumer de préférence avant la fin de ce mois. Rêvons à voix haute, que les hirondelles nous entendent. Ce qui nous appartient, nous sommes venus le reprendre. Ces matins ensoleillés qui depuis longtemps nous attendent, faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons changer tout ça, changer tout. change tout. La fin du mois, enfin. Le début de nous. Le début de nous. La fin du mois, enfin. Le début de nous. El principio de nosotros. Acheca, estáis escuchando Ulala Music en Irola Irratia, en el 107.5 FM de las ondas libres de Bilbao o en el archive.org. Ulala Irola. O directamente también en el streaming de Ulala, de Irola, irola.org. Y pues pasamos del norte de Francia, donde los dos grupos que hemos escuchado son, y pasamos al completamente opuesto en geográficamente. Vamos a Marsella, donde Gary Grew nos hace una versión muy acústica de un tema de Marsilla Sound System, del grupo donde él es uno de las voces de los cantantes, y hace una versión que me ha parecido guapísima de esta canción. Se llama Il y a des fois, hay veces, y ahí dice: a cada uno sus alegrías, a cada uno sus tristezas, a cada uno sus risas, a cada uno sus lloros. Todos somos reyes, reinas, pero no lo sabemos. Todos los somos, pero no nos acordamos. Ay, Gary Grew desde Massilia. Bien, moi tranquille à la maison, on va vous faire une petite chanson pour se recharger un peu le cœur. Aïoli. Il y a des fois qu'il y a des gens, qu'il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé, des copains de quartier et de son premier amour. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Je sens bien qu'il faudrait un peu plus se lâcher, un peu plus s'inventer, être plus motivé pour faire bouger son quartier. Il faut organiser une belle soirée, une belle tablée, une sono branchée. Le bal est type commencé. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent tout à coup mieux dans sa vie? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce un tour de magie? Un beau matin, tu te réveilles et tu te sens aïoli. Serait-ce le fait d'une fée qui serait venue dans la nuit? Subrepticement, sans bruit, se serait glissée dans ton lit, murmurant à ton oreille son adorable gazouille. T'aurais fait voir mille merveilles, tout droit venu du paradis. Mais non, couillon, c'est le soleil qui te dit salut, c'est midi. On a toujours raison de savourer le bon et de laisser

Guillaume López y Thierry Roch, acordeonista, que oímos ahora con una mazurca. Me encantan las mazurcas. Y Guillaume López del Val, Broto López, que canta mucho en occitano. Hicimos un programa hace algunos años que podáis buscar si os gustan estas músicas que llaman folclóricas. Y seguimos con Ulala Confitada Confinada, con claro, no podía ser otro que pensando en todos estos. Nos han hecho un temita desde la Rue Quétanou. Vincent Venetrier con su banjo desde su casita que parece de maderita. Y nos toca el tema Papa Urs, Papa Oso. Mon empreinte carbone et mon piédestal, qu'en penserait l'homme qui montait à cheval? J'ai pas vu de panthère, mais des poissons volants et la lune à l'envers. Et l'automne au printemps. J'en ai vu des merveilles, des désastres en même temps, des couchers de soleil dans des nuages blancs. J'ai changé de longitude et de fuseau horaire. À combien d'altitude redescend-on sur terre? Recueillement en attendant mon amour et mes enfants ont tout mon temps. Ma valise est défaite, je cède le passage au chant de l'alouette, au vol de l'oie sauvage. Renvoyé de la course, je repense à tout ça. Je joue à Papa Ours et je reste chez moi. Confinement, recueillement en attendant mon amour. Mes enfants ont tout mon temps. Papa Ours, un tema escrito en estos días de la Rue Quétanou, que había sacado también un nuevo disco que se llama 2020. Se acordarán de este año del, y este tema que cuenta el confinamiento y de jugar a Papa Oso, así su familia en este momento de hibernación, de confinamiento, tienen todo su tiempo esperando la nueva primavera para salir. Seguimos ahí. Es Irola Irratia. Y es Ulala. Y seguimos. Volvemos con Gary Greu. Que él también había sacado un nuevo disco. Que pasaremos ya a empezar a presentaros estos discos en los programas que vienen. Que se llama Barca. Y Gary Greu nos canta aquí La Marquise, la Marquesa del colectivo 13. Y así como que todo va muy bien, señora Marquesa. Ahora yo cojo las riendas y tú, Marquesa, sin Dios, el de abajo, no puedes vivir ni seguir viviendo como una marquesa. Ahí, Gary Gray, ça va, les amis? En forma acústica. Nous, en direct du salon, tout va très bien. Woo! Tout va très bien. Tout va très bien. Tire la prise. Quand le vin hypnotise les morts divins, emballe la matière grise et vassalise ses clients. Immunise-toi, autonomise. Zappe tout, taxe comprise. Tout va très bien. Qui mémorise, tout va très bien. L'ange qui passe, tout va très bien. La vie qui rêvasse, tout va très bien. La mouche qui vole, à coup de chimie. La nature et ses gaudrioles, tout va très bien. Dans le silence qui t'éternise, ouais. Écoute Brel qui devise, oh. Pleine de bises. À la prochaine. On vous aime. Hey, la marquise, tout va très bien, madame la marquise de Gary Gray. Ahí. Seguimos con un grupo que nos flipa en Ulala. Es la Caravan Pass. Hemos pasado un tema hay 15 días. Hace 15 días, y ahora nos interpretan este gran tema del Zin Zin Moreto con la coral de fondo, la fanfaral de Uzbekistán, que en verdad son los vecinos del patio interior del percusionista que pone el micro y la cámara a la ventana y sus vecinos. hacen el coro. Ahí viene el Zin Zin Moreto. Salut les gars. Salut. Yeah. Zin Zin Moreto, confinement numéro 4. Ouais, Zin Zin Moreto. Attention. Tu es resté chez toi, fuyant les virus et la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout, on t'appelle le confiné. Je comprends ton fardeau, je portais le même, mais j'ai changé de peau. J'ai pris la caravane et je suis devenu un Zin Zin Moreto. Zin Zin Moreto, the king of the choro. Zin Zin Moreto, the new desperado. Zin Zin Moreto, the king of the choro. Zin Zin Moreto, Zin Zin Moreto, the new desperado. Zin Zin Moreto, the king of the bolcho. Zin Zin Moreto, the king of the choro. Zin Zin Moreto, on t'a traité de yubando. Balico, de Métec, de Benoît, d'Estingouin, de Négro, de Pac-Pac, de Polac, de Yugo, de Guichignac, de Citron, de Melon, de Gringo, d'Esquimau, de Lormano. Mais aujourd'hui, tu vas les prendre au mot, devenir un vrai désespérado. On va te baptiser du plus beau nom d'oiseau. Bienvenue chez les Zin Zin Moreto. Zin Zin Moreto, le king of the choro. Zin Zin Moreto, the new desperado. Zin Zin Moreto, the king of the bolcho. Zin Zin Moreto. Fini les tanges, chan, rital, rosbif, cheux, les boucaques, les wetbacks, les blédards, les bouseux, les blanches-neiges, les froggies, les pédales, les moikas, les chaloufs, les pecnons, les froggies, bamboula. Si tu n'es pas à ta place, prends donc la première caravane qui passe à l'ouest. C'est le corona. Change ton western en Eastern à la Zin Zin Moreto. Zin Zin Moreto, the king of the choro. Zin Zin Moreto, the new desperado. Zin Zin Moreto, the king of the bolcho. Zin Zin Moreto, allez tout le monde. Zin Zin Moreto, the king of the choro. Zin Zin Moreto, the new desperado. Zin Zin Moreto, the king of the bolcho. Zin Zin Moreto, allez tout le monde par la fenêtre. Zin Zin Moreto. Zin Zin Moreto, Zin Zin Moreto, Zin Zin Moreto, tout le monde fait Zin Zin Moreto, Zin Zin Moreto, Zin Zin Moreto. Zin Zin Moreto, vaya vecinos, tiene este. Y vamos a seguir con un temita acústico de Carpat. La petite chanson t'est pas sortie ce matin du fond de ma caboche. Tu fais des tiennes, t'as pas envie de venir nous dire bonjour. Allez arrête, fais un effort. Ici on aime bien ta binoche. J'ai du café si t'as envie. Les croissants sortent du four. Ça commence à tirer un peu. 20 jours qu'on s'effiloche. Si tu préfères on ralentit. On se fait un break 2 jours. La petite chanson de confinement. La promiscuité nous inspire. Pas ce matin apparemment. Je vais aller faire dans la cuisine, puis dans le salon, puis du salon, puis revenir vers la cuisine, vers le salon. Je finirai dans le séjour. Je sais que t'aimes pas quand j'insiste, t'es plutôt spontané. Après 19 jours d'isolement, tu peux plus t'en aller. Ma petite chanson, t'es capricieuse. Fais pas la gueule, reviens nous voir. Je t'ai fait de la place sur la feuille blanche. On attend ton retour. T'es si jolie quand tu t'emballes. Toi seule, c'est encore m'émouvoir. T'es si fragile quand tu t'épanches sur mon épaule. Bonjour. Ma petite chanson glandouille, paresseuse en peignoir. Tu me fais une place sur ta branche. On s'envolera ce soir. Chanson, t'es pas sorti ce matin du fond de ma caboche. Tu fais des tiennes, t'as pas envie de venir nous dire bonjour. Carpat et la capricieuse, la caprichosa. La canción, porque fue caprichosa en escribirla. Y pues seguimos con Ulala, confinados, confinadas, confitadas, desde casa de. Y pues vamos con un tema que creo que va a ser la primera vez que, o igual segunda, que pasamos a Francis Cabrel en Ulala en todos esos años. Es el hombre que escribió el tema del torero, no muy conocido en, porque traducido al castellano de la famosa canción del toro. Canta de la arena y que no entiende por qué se le hace sufrir tanto y que llaman eso arte. Y pues veremos si de, y este hombre, pues este poeta, este cantautor, pues ha decidido en el confinamiento de hacer un, de grabarse un tema por día. Y pues ahí vamos, Francis Cabrel y su guitarra acústica. Moi quand j'avais 14 ans, les accords de Dylan peuplaient mes insomnies. Et je m'endormais le matin, ma guitare à la main, sans débrancher l'ampli. Toi, tes parents te gardaient des ronds pour que tu aies ta maison. Un jardin sur le devant pour les soirs de printemps. Et quand tu arrivais au lycée, t'avais tout étudié, on était fiers de toi. Moi, je disais, je regrette, j'ai des notes plein la tête, je ne vous entends pas. Elles s'envolent par milliers tous les soirs du fond de ma guitare. D'accord, ils m'ont foutu dehors. Ça m'a pas fait trop de peine, mais j'ai dit, vos livres sont moisis, vos principes me gênent, et vos chaînes m'ennuient. Surtout, gardez vos rengaines, pour ceux qui sont déjà endormis, moi je suis pour conseil. Mendiants et les rois. Pendant que toi tu comptais tes primes de fin d'année, tes cravates de soie. Mais l'autre jour je t'ai retrouvé derrière ton guichet. J'ai compris à travers tes lunettes que c'est toi qui regrette. Ça m'a pas fait trop de peine, mais j'ai dit, ton costume te gêne et tes chaînes t'ennuient. Tu as écouté la rengaine, ça fait 30 ans que tu es endormi, t'as tes 4 semaines. Moi j'ai toute ma vie. Francis Cabrel y su guitarra. Pues ya vamos a despedirnos con un último tema de Le Barbo No Confinado. Es uno del último disco también. Pero quería ponerlo porque el tema se llama On est vivant en bordel. Estamos vivos, joder. Así que a vivir. Agur y a confinaros ahí. Un mes más. Y ya veremos. Ahí agur. Y nos vemos. Y cuidado a lo que viene de la derecha. Pero estamos vivos, joder. Así que dejadnos vivir, ¿no? Agur. Je me disais, la vie est une hyène. Elle te prend, elle te mord et te malmène. Elle te fait le meilleur et le pire. Et dans quelques années, elle te fera sourire. Il y en aura plein, des creux et des bosses sous la cinquième roue de ton carrosse. Et si tu n'as pas la chance d'être heureux, viens avec nous, parce que chez nous, on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel, et là, on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel, quand on est vivant. Ce sera long et pas facile, même si tu te montres bien docile. Y'a des matins où tu vas te réveiller avec l'envie d'aller te recoucher. Y'en aura plein des petits bouts d'amour, mais ce sera pas dimanche tous les jours. Envoie le bois pour trouver ta place et reste avec nous, parce que chez nous on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel, quand on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel, quand on est vivant. Oh, Bajo! Un jour, je me dirai que la vie est un demi-succès, avec des détours et des impasses qui pour le coup te remettent à ta place. Peut-être qu'un jour, ça suffira, qu'il sera temps de remettre les voiles et de gueuler la tête dans les étoiles. Bordel que c'est bon d'être chez les vivants. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel quand on est vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. On est vivant, on est toujours vivant. On est vivant, bordel, on est vivant. C'est toujours le bordel quand on est vivant. On est vivant, bordel.